Chapitre 16. Je pourvois noblement aux besoins de ma famille et atteins le comble des, soi-disant, faveurs de la fortune. Le lendemain, quand je retournai chez la veuve, mes craintes se réalisèrent. La porte me fut refusée. Milady n'était pas à la maison. Je savais que c'était faux. J'avais surveillé la porte toute la matinée d'un logement que j'avais loué en face. « Votre maîtresse n'est pas sortie, dis-je. Elle refuse de me voir, et comme de raison, je ne puis entrer de force chez elle. Mais, écoutez, vous êtes anglais. »« Oui, monsieur, » dit mon homme, de l'air de la plus grande supériorité. « Votre honneur doit le voir à mon accent. » Je savais qu'il l'était et que je pouvais, par conséquent, lui offrir de l'argent. Un domestique irlandais, en haillons, ses gages ne lui fussent-ils jamais payés, vous aurez probablement jeté votre argent au visage. « Écoutez donc, lui dis-je. Les lettres de votre maîtresse passent par vos mains, n'est-ce pas? Une couronne pour chacune de celles que vous m'apporterez à lire. Il y a un débit de whisky dans la rue voisine, apportez-les quand vous y allez boire et demandez-moi sous le nom de Dermot. Je me souviens de votre honneur à Spa, dit le drôle en ricanant. C'était le point, hein ? Et tout fier de cette réminiscence, je pris congé de mon inférieur. Je ne défends pas cette pratique d'ouvrir les lettres dans la vie privée, sauf les cas de la plus grande nécessité, ou alors nous devons suivre l'exemple de nos supérieurs, les hommes d'État de toute l'Europe, et, pour le plus grand bien, nous permettre une petite infraction aux convenances. Les lettres de Milady Lindon ne s'en trouvaient pas plus mal pour être ouvertes, et moi, je m'en trouvais beaucoup mieux. La lecture de quelques-unes de ses nombreuses lettres, me donnant une connaissance plus intime de son caractère à mille égards, et une influence sur elle dont je ne fus pas long à profiter. À l'aide de ces lettres et de mon ami l'anglais, que je régalais toujours de ce qu'il y avait de mieux en fait de liquide et que je gratifiais de présents en espèces encore plus agréables, je mettais une livrée pour le rencontrer et une perruque rousse sous laquelle il était impossible de reconnaître le brillant et élégant Redmond Barry. J'étais au fait des mouvements de la veuve. Je savais d'avance les lieux publics où elle irait. Ils étaient peu nombreux à cause de son veuvage. Et partout où elle paraissait, à l'église ou au parc, j'étais toujours prêt à lui offrir son livre ou à trotter à cheval à la portière de son carrosse. Un bon nombre des lettres de sa seigneurie contenaient le plus étrange fatras qu'ait jamais écrit un bas bleu. Je ne connais pas de femme qui prit et jeta de côté une quantité plus grande de bonnes amies. Elle se mit bientôt à écrire à plusieurs de ses chères créatures au sujet de mon indigne personne, et ce fut avec une extrême satisfaction que je remarquai enfin que la veuve se prenait d'une peur terrible de moi, m'appelant sa bête noire, son esprit de ténèbres, son sanguinaire adorateur, et mille autres noms qui indiquaient l'excès de son inquiétude et de son effroi. C'était « Le misérable a suivi ma voiture tout le long du parc » ou « Mon destin m'a poursuivi à l'église » et « Mon inévitable adorateur m'a donné la main pour sortir de ma chaise chez le mercier », etc. Mon désir était d'augmenter en elle ce sentiment de crainte et de lui faire croire que j'étais une personne à laquelle il était impossible d'échapper. Dans ce but, je payai une devineresse qu'elle consulta, comme le faisait à cette époque une foule de personnes les plus bêtes et les plus distinguées de Dublin, et qui, quoique la comtesse y fût allée sous le costume d'une de ses femmes de chambre, ne manqua pas de reconnaître son véritable rang et de lui décrire, comme son futur mari, son persévérant adorateur, Redmond Barry Esquire. Cet incident la troubla beaucoup. Elle en écrivit à ses correspondantes dans des termes de stupéfaction et de terreur. « Ce monstre, écrivait-elle, peut-il, en effet, ce dont il se vante, faire plier le destin lui-même sous sa volonté? Peut-il me contraindre à l'épouser, quoique je le déteste cordialement, et m'amener comme une esclave à ses pieds? L'horrible regard noir de ses yeux de serpent me fascine et m'épouvante. Il semble me poursuivre partout, et même lorsque je ferme mes yeux, ce regard terrible me transperce la paupière et est encore sur moi. Quand une femme commence à parler ainsi d'un homme, Anne est celui qui ne vient à bout d'elle. Et, pour ma part, je la suivais en tout lieu et me posais en face d'elle et la fascinais du regard, comme elle disait fort assidûment. Lord George Poyning, son ancien adorateur, gardait pendant ce temps la chambre avec sa blessure et avait paru déterminé à renoncer à toute prétention sur elle, car il refusait de la recevoir lorsqu'elle se présentait, ne répondait point à ses lettres multipliées et se contentait de dire, généralement, que son chirurgien lui avait défendu de recevoir des visites et de répondre aux lettres. Ainsi, tandis qu'il se retirait au dernier plan, j'avançais au premier et prenais grand soin qu'il ne se présentât aucun rival avec quelque chose de succès, car aussitôt que j'en entendais parler d'un, je lui cherchais querelle, et j'en poivrais deux de cette manière, en sus de ma première victime, Lord George. Je prenais toujours un autre prétexte de querelle avec eux que leurs attentions pour Lady Lyndon, en sorte qu'il ne pouvait résulter ni scandale ni offense pour sa seigneurie. Mais elle savait fort bien à quoi s'en tenir sur ces duels. Et les jeunes gens de Dublin aussi, en additionnant deux à deux, commencèrent à s'apercevoir qu'il y avait un dragon qui gardait la riche héritière et qu'il fallait dompter ce dragon avant d'arriver à la dame. Je vous garantis qu'après ces trois premiers champions, il n'y en eut pas beaucoup de disposés à se mettre sur les rangs, et j'ai souvent ri, dans ma barbe, de voir plusieurs de ces jeunes milords de Dublin qui escortaient à cheval son carrosse, décamper, dès que ma jument baie et ma livrée verte faisaient leur apparition. Je voulais donner une grande et imposante preuve de mon pouvoir, et, à cet effet, j'avais résolu de rendre un important service à mon cousin Ulique, et d'enlever pour lui le bel objet de ses affections, Miss Killjoy, sous les yeux même de sa tutrice et amie Lady Lyndon, et au nez des frères de la demoiselle, qui passaient la saison à Dublin, et faisaient autant d'embarras des 10 000 livres irlandaises de leur sœur que si elle avait eu des millions. La fille n'avait aucune répugnance pour Monsieur Brady, et cela seul montre combien les hommes ont peu de cœur, et comment un génie supérieur peut triompher des difficultés qui, aux esprits communs, paraissent insurmontables, qu'il n'avait jamais songé à un enlèvement, comme je le fis tout de suite avec audace. Miss Killjoy avait été pupille de la cour de chancellerie jusqu'à sa majorité, époque avant laquelle il eût été dangereux pour moi de mettre à exécution le projet que j'avais sur elle. Mais, quoique libre à présent d'épouser qui elle voudrait, c'était une jeune personne d'un caractère timide, ayant aussi peur de ses frères et autres parents que si elle n'eût pas été indépendante. Ils avaient en vue pour elle un de leurs amis et avaient dédaigneusement rejeté la proposition d'Ulique Brady, gentilhomme ruiné qui, à ce que pensaient ses fats rustiques, était tout à fait indigne de la maison d'une héritière aussi prodigieusement riche que leur sœur. Se trouvant trop seule dans sa grande maison de Dublin, la comtesse de Lyndon invita son amie, Miss Amalia, à y passer la saison avec elle, et, dans un accès de tendresse maternelle, envoya aussi chercher son fils, le petit Bullingdon, et ma vieille connaissance, le gouverneur, pour lui tenir compagnie. Un carrosse de famille amena du château de Lyndon l'enfant, l'héritière et le précepteur, et je résolus de saisir la première occasion d'exécuter mon plan. Cette chance ne se fit pas longtemps attendre. J'ai dit, dans un des précédents chapitres de ma biographie, que le royaume d'Irlande, à cette époque, était ravagé par diverses troupes de bandits qui, sous les noms de White Boys, Hawk Boys, Steel Boys, ayant des capitaines à leur tête, tuaient les intendants, brûlaient les meules, mutilaient les bestiaux et se faisaient justice eux-mêmes. Une de ces bandes, ou plusieurs autant que je sache, était commandé par un mystérieux personnage appelé le capitaine Thunder, dont l'occupation semblait être de marier les gens avec ou sans leur consentement et sans celui de leurs parents. Les gazettes de Dublin et les mercures de cette époque, 1772, regorgent de proclamations du Lord Lieutenant offrant des récompenses pour l'arrestation de ce redoutable capitaine Thunder et de sa troupe, et décrivant tout au long les divers exploits de ce féroce aide-de-camp du dieu d'Hyménée. Je me déterminai à faire usage, sinon des services, du moins du nom de ce capitaine Thunder, et à mettre mon cousin Ulique en possession de sa belle et des 10 000 livres. Ce n'était pas une grande beauté, je présume qu'il aimait plutôt la bourse que la femme. À cause de son veuvage, Lady Lyndon ne pouvait pas encore fréquenter les bals et les raouts que l'hospitalière noblesse de Dublin était dans l'habitude de donner, mais son amie, Miss Killjoy, n'avait pas les mêmes motifs de retraite et ne demandait pas mieux que d'assister à toutes les soirées auxquelles elle pourrait être priée. Je fis cadeau à Ulick Brady d'une couple de beaux habits de velours et, par mon influence, il fut invité à plusieurs des élégantes assemblées. Mais il n'avait pas mes avantages, ni mon expérience des manières de cour. Il était aussi timide avec les dames qu'un jeune cheval, et n'était pas plus en état de danser le menuet qu'un âne. Au milieu de ce monde civilisé, il fit peu de chemin dans le cœur de sa maîtresse. Dans le fait, je pus voir qu'elle lui préférait plusieurs autres gentilshommes, plus à leur aise au bal que le pauvre Ulick, qui avait fait sa première impression sur l'héritière et avait brûlé pour elle de sa première flamme chez son père, à Belly Killjoy, où il chassait et se grisait avec le vieux. « Je pourrais bien venir à bout d'eux, de façon ou d'autre, » disait Ulick, en poussant un soupir, « et s'il ne s'agissait que de boire ou de courir la plaine, il n'est pas d'homme en Irlande qui aurait plus de chance auprès d'Amalia. »« N'ayez pas peur, Ulick, » lui répondis-je. Vous aurez votre Amalia, ou mon nom n'est pas Redmond Barry. » Milord Charlemont, qui était un des seigneurs les plus élégants et les plus accomplis de l'Irlande à cette époque, un érudit, un bel esprit, qui avait beaucoup voyagé à l'étranger, où j'avais eu l'honneur de le connaître, donna un magnifique bal masqué dans sa maison de Marino, à quelques miles de Dublin, sur la route de Dunleary. Et ce fut à cette fête que je me déterminai à rendre Ulick heureux pour la vie. Miss Killjoy était invitée à ce bal, ainsi que le petit Lord Bullingdon, qui se mourait d'envie de voir un tel spectacle. Et il fut convenu qu'il irait, sous la surveillance de son gouverneur, mon vieil ami le révérend Monsieur Hunt. Je sus dans quel équipage nos gens devaient se rendre au bal, et je pris mes mesures en conséquence. Ulick Brady n'y était point. Sa fortune et sa qualité n'étaient pas suffisantes pour obtenir une invitation dans un endroit si distingué. Et le bruit avait couru, 3 jours auparavant, qu'il avait été arrêté pour dette, ce qui ne surprit aucun de ceux qui le connaissaient. Je pris pour cette soirée un costume qui m'était très familier, celui de simple soldat de la garde du roi de Prusse. Je m'étais fait faire un masque grotesque, avec un nez et une moustache énorme. Je baragouinais un mélange confus d'anglais et d'allemand, où dominait surtout cette dernière langue. Et j'avais autour de moi une foule qui riait de mon drôle d'accent, et dont la curiosité était accrue parce qu'elle savait déjà de mon histoire. Miss Killjoy était vêtue en princesse antique, avec le petit Bullingdon pour page du temps de la chevalerie. Les cheveux du page étaient poudrés, son pourpoint couleur de rose et vert pomme et argent, et il avait très bon air, et très effronté, se carrant avec mon épée au côté. Quant à Monsieur Hunt, il se promenait fort gravement en domino, et allait continuellement rendre visite au buffet où il mangea assez de poulet froid et but assez de punch et de vin de champagne pour satisfaire une compagnie de grenadiers. Le Lord Lieutenant arriva et partit en grand apparat. Le bal était magnifique. Miss Killjoy eut des cavaliers en foule, parmi lesquels était votre serviteur, qui dansa un menuet avec elle, si le gauche dandinement de l'héritière irlandaise peut s'appeler de ce nom. Et j'eus l'occasion de plaider la cause de ma passion pour Lady Lyndon dans les termes les plus pathétiques, et de demander l'intercession de son amie en ma faveur. Il était 3 heures du matin, quand les habitants de Lyndon House s'en allèrent. Le petit Bullingdon s'était depuis longtemps endormi dans un des cabinets de chinoiserie de Lady Charlemont, Monsieur Hunt avait la voix excessivement enrouée et la démarche chancelante. Une jeune personne, aujourd'hui, serait alarmée de voir un gentleman dans cet état, mais c'était un spectacle fort commun à cette joyeuse époque où un homme était regardé comme une poule mouillée s'il ne se grisait pas de temps en temps. Je mis Miss Killjoy en voiture, avec plusieurs autres gentilshommes, et perçant du regard la foule de porteurs de torches en guenilles, de cochers, de mendiants, d'hommes et de femmes ivres qui se tenaient invariablement aux portes des maisons où se donnaient des fêtes, je vis le carrosse partir avec un hourra de cette populace, et revins à la salle du souper, où je parlais allemand, régalais les 3 ou 4 buveurs qui y étaient encore d'un cœur en hollandais, et attaquais les mets et le vin avec beaucoup de résolution. « Comment pouvez-vous boire à votre aise avec ce grand nez ?» dit un des convives avec l'accent irlandais. « Allez vous faire pendre !» dis-je avec le même accent et me remettant à boire. Sur quoi les autres rirent, et je continuais mon souper en silence. Il y avait parmi eux un gentilhomme qui avait vu partir les habitants de Lindon et avec qui j'avais fait une gageure que je perdis. Le lendemain matin, j'allais la lui payer. Tous ces détails, le lecteur sera étonné de me les entendre énumérer. Mais le fait est que ce ne fut pas moi qui retournai souper, mais mon ancien valet allemand, qui était de ma taille et qui, revêtu de mon costume, pouvait parfaitement passer pour moi. Nous avions changé d'habit dans une voiture de place qui stationnait près du carrosse de Lady Lindon et qui, courant après, l'eut bientôt rejoint. Le fatal carrosse, qui emportait l'aimable objet de l'affection du Ligbrady, n'avait pas fait beaucoup de chemin lorsque, au milieu d'une profonde ornière, il s'arrêta soudain avec une forte secousse et le valet de pied, qui était derrière, sautant par terre, cria au cocher qu'une roue était tombée et qu'il serait dangereux de continuer, n'en ayant que 3. Les boîtes de roues n'avaient pas été inventées alors, comme elles l'ont été depuis par les ingénieux carrossiers de longue acre. Et comment la clavette de la roue était partie, je ne prétends pas le dire, mais elle pouvait fort bien avoir été retirée par quelques-uns des drôles attroupés autour de la porte de Lord Charlemont. Miss Killjoy mit la tête à la portière en criant comme font les dames. Monsieur Hunt, le chapelain, s'éveilla de son sommeil d'ivrogne, et le petit Bullingdon, se levant et tirant sa petite épée, dit « N'ayez pas peur, Miss Amalia, si ce sont des voleurs, je suis armée. » Le jeune vaurien avait un courage de lion, c'est une vérité que je dois reconnaître, en dépit de toutes mes querelles ultérieures avec lui. La voiture de place, qui avait suivi le carrosse de Lady Lindon, arriva en ce moment et, le cocher, voyant l'accident, descendit de son siège et demanda poliment à sa seigneurie de lui faire l'honneur d'entrer dans sa voiture, qui était aussi propre et aussi élégante qu'une personne de la plus haute qualité pouvait le désirer. Cette invitation, après une minute ou deux, fut acceptée des gens du carrosse, le cocher du fiacre promettant de les amener à Dublin en toute hâte. Taddy, le valet de pied, proposa d'accompagner son jeune maître et la jeune dame, et le cocher, qui avait à côté de lui sur le siège un ami qui avait l'air ivre, lui dit avec un ricanement de monter derrière. Mais la planche de derrière étant couverte de piquants, comme défense contre les enfants des rues qui aiment à aller gratis en voiture, la fidélité de Taddy n'alla pas jusqu'à braver ce danger, et il consentit à rester avec le carrosse endommagé, pour lequel le cocher et lui fabriquèrent une clavette aux dépens d'une haie voisine. Pendant ce temps-là, quoique la voiture de place allât rapidement, les gens qui étaient dedans parurent trouver la route bien longue. Et quel fut l'étonnement de Miss Killjoy, en regardant par la portière, de voir enfin, autour d'elle, une plaine solitaire, sans aucune apparence de ville ou de construction. Elle cria sur le champ au cocher de s'arrêter. Mais l'homme n'en fit que fouetter ses chevaux plus vite et dit à sa seigneurie de rester tranquille. Il allait par le plus court. Miss Killjoy continua de crier, le cocher de fouetter, les chevaux de galoper, jusqu'au moment où, tout à coup, il sortit d'une haie 2 ou 3 hommes auxquels la belle demanda du secours. Et le jeune Bullingdon, ouvrant la portière, sauta vaillamment dehors et, culbutant, alla rouler dans la poussière. Mais il se remit sur pied en un instant, tira sa petite épée et, courant vers la voiture, il s'écria « De ce côté, messieurs, arrêtez ce gredin !»« Arrêtez !» crièrent les hommes. Sur quoi, le cocher s'arrêta avec une obéissance extraordinaire. Runt, tout le temps, était étendu ivre dans la voiture, n'ayant qu'une demi-conscience de ce qui se passait. Les champions qui venaient d'arriver au secours de la dame en détresse sortent alors une consultation pendant laquelle ils regardèrent le jeune lord et rirent considérablement. « Soyez sans alarme, » dit leur chef en se présentant à la portière. « Un de mes hommes va monter sur le siège à côté de cet infâme traître et, avec la permission de votre seigneurie, Mon compagnon et moi, nous entrerons dans la voiture et nous vous reconduirons chez vous. Nous sommes bien armés et pourrons vous défendre en cas de danger. » Là-dessus, et sans plus de cérémonie, il allait sauter dans la voiture suivi de son compagnon. « Apprenez à vivre !» s'écria le petit Bullingdon indigné. « Et faites place au Lord Vicomte Bullingdon !» Et il barra le passage à l'énorme personne du nouveau venu. « Ôtez-vous de là, milord !» dit l'homme avec un fort accent irlandais et le poussant de côté. Sur quoi l'enfant, criant « Au voleur ! Au voleur !» tira sa petite épée et se jeta sur l'homme et l'aurait blessé, car une petite épée blesse aussi bien qu'une grande. Mais son adversaire, qui était armé d'un long bâton, fit heureusement sauter l'arme des mains de l'enfant. Elle vola par-dessus sa tête et le laissa effaré et mortifié de sa déconfiture. Alors, il ôta son chapeau en faisant au jeune lord un profond salut et entra dans la voiture dont la portière fut refermée sur lui par son camarade qui devait monter sur le siège. Miss Killjoy aurait crié, mais je présume qu'elle en fut empêchée par la vue d'un énorme pistolet d'arçon que produisit un des défenseurs en disant « On ne veut vous faire aucun mal, madame, mais si vous criez, nous serons forcés de vous bâillonner. » Sur quoi elle devint aussi muette qu'un poisson. Tous ces événements s'étaient passés en fort peu de temps, et lorsque les trois étrangers eurent pris possession de la voiture, laissant le pauvre petit Bullingdon effaré et abasourdi sur la bruyère, l'un d'eux mit la tête à la portière et dit « Milord, un mot ? Qu'est-ce que c'est ?» dit l'enfant, commençant à pleurer. Il n'avait que 11 ans, et son courage avait été parfait jusque-là. « Vous n'êtes qu'à 2 miles de Marino. Retournez sur vos pas jusqu'à ce que vous arriviez à une grosse pierre, puis tournez à droite, et allez toujours tout droit jusqu'à ce que vous rencontriez la grande route. » Et alors vous trouverez aisément votre chemin. Et quand vous verrez Milady, votre maman, offrez-lui les compliments du capitaine Thunder et dites-lui que Miss Amalia Killjoy va se marier. Oh ciel ! Soupira la jeune personne. La voiture repartit rapidement et le jeune seigneur fut laissé seul sur la bruyère, juste comme le matin commençait à poindre. Il fut pris d'une belle et bonne peur, et cela n'a rien d'étonnant. L'idée lui vint de courir après la voiture, mais son courage et ses petites jambes lui firent défaut, et il s'assit sur une pierre et pleura de dépit. Ce fut de cette façon qu'Ulick Brady fit ce que j'appelle un mariage de Sabine. Lorsqu'il s'arrêta avec ses deux garçons d'honneur au cottage où la cérémonie devait avoir lieu, M. Runt, le chapelain, refusa d'abord de la célébrer. Mais un pistolet fut braqué sur la tête de cet infortuné précepteur et il lui fut dit, avec de terribles serments, qu'on lui ferait sauter la cervelle et alors il consentit à faire le service. La charmante Amalia avait, bien probablement, cédé à un motif semblable, mais de cela je n'ai rien su, car je revins en ville avec le cocher aussitôt que nous eûmes déposé les gens de la noce et j'eus la satisfaction de trouver Fritz, mon Allemand, arrivé avant moi dans ma voiture et sous mon costume, ayant quitté le bal sans avoir été découvert, et s'y étant acquitté de son rôle, conformément à mes ordres. Le pauvre Runt revint le lendemain dans un piteux état, gardant le silence sur la part qu'il avait prise aux événements de la soirée, et, avec une lugubre histoire d'avoir été grisé, d'avoir été arrêté, d'avoir été laissé pieds et poings liés sur la route et ramassé par une charrette de Wicklow qui apportait des provisions à Dublin, il n'y avait pas moyen de l'accuser d'être du complot. Le petit Bullingdon, qui parvint aussi à retrouver sa maison, ne pouvait en aucune façon m'avoir reconnu. Mais Lady Lindon savait que j'avais pris part à la chose, car je rencontrais sa seigneurie le lendemain qui se rendait en toute hâte au château, l'enlèvement ayant mis toute la ville en l'air, et je la saluai avec un sourire si diabolique que je vis bien qu'elle avait deviné ma participation à ce plan hardi et ingénieux. Ce fut ainsi que je récompensai Ulick Brady de ses bontés pour moi dans mon enfance et que j'eus la satisfaction de rétablir la fortune d'une branche méritante de ma famille. Il emmena sa femme dans le Wicklow, où il vécut avec elle dans la plus stricte réclusion jusqu'à ce que l'affaire fût apaisée, Lady Joy s'efforçant partout en vain de découvrir sa retraite. Ils ne surent même pas de quelque temps quel était l'heureux mortel qui avait enlevé l'héritière, et ce fut seulement lorsqu'elle écrivit, au bout de quelques semaines, une lettre signée Amalia Brady, exprimant son parfait bonheur dans sa nouvelle condition et disant qu'elle avait été mariée par le chapelain de Lady Lyndon, M. Hunt, que la vérité fut connue et que mon digne ami confessa la part qu'il avait eue à l'affaire. Comme sa bonne maîtresse ne le renvoya point pour cela, chacun persista à supposer que la pauvre Lady Lyndon était du complot, et l'histoire de l'attachement passionné de sa seigneurie pour moi obtint de plus en plus crédit. Je ne fus pas long, vous le pensez bien, à profiter de ces bruits. Tout le monde pensait que j'avais participé au mariage de Brady, quoique personne ne pût le prouver. Tout le monde pensait que j'étais bien avec la comtesse, quoique personne ne pût affirmer que je l'eusse dit. Mais il y a manière de faire croire une chose, même en la contredisant, et j'avais coutume de rire et de plaisanter si fort à propos que tous les hommes commençaient à me complimenter sur ma bonne fortune et à me regarder comme le fiancé de la plus grande héritière du royaume. Les papiers s'emparèrent de la chose, les amis de Lady Lyndon lui firent des représentations et crièrent « Fi !» Même les journaux et magazines anglais, qui à cette époque aimaient fort le scandale, rapportèrent la nouvelle et dirent qu'une veuve, belle et accomplie, avec un titre et les plus grands biens des deux royaumes, était sur le point de donner sa main à un jeune gentilhomme de haute naissance qui s'était distingué au service de Sa Majesté et du roi de Prusse. Je ne dirai pas quel était l'auteur de ces articles et comment deux portraits, le mien, sous le titre de l'Irlandais prussien, et celui de Lady Lyndon, sous le titre de la comtesse d'Éphèse, parurent dans le magazine de la ville et de la campagne, publié à Londres et contenant le commérage fashionable du jour. Lady Lyndon fut dans une telle perplexité et dans un tel effroi de cette obsession qu'elle se détermina à quitter le pays. Elle le quitta donc. Et qui fut le premier à la recevoir lorsqu'elle débarqua à Holyhead? Votre humble serviteur, Raymond Barry Esquire. Et, pour couronner le tout, le mercure de Dublin, qui annonça le départ de Milady, annonça le mien le jour d'avant. Il n'y eut pas une âme qui ne pensât qu'elle m'avait suivie en Angleterre, tandis qu'elle ne faisait que me fuir. Vain espoir! On n'échappait pas ainsi à un homme de ma résolution. Elle eût fui aux antipodes qu'elle m'y aurait trouvé, oui, et je l'aurais suivie aussi loin qu'Orphée suivit Eurydice. Sa seigneurie avait à Londres, dans Berkeley Square, une maison plus magnifique que celle qu'elle possédait à Dublin, et, sachant qu'elle y devait venir, je la précédai dans la capitale anglaise et pris un bel appartement dans Hill Street tout à côté. Je m'étais assurée, dans sa maison de Londres, les mêmes intelligences que dans celle de Dublin. Le même fidèle portier était là pour me donner tous les renseignements dont j'avais besoin. Je promis de tripler ses gages aussitôt qu'arriverait un certain événement. Je gagnai la dame de compagnie de Lady Lyndon par un présent de 100 guinées et une promesse de 2000 quand je serai mariée, et je m'assurai les bonnes grâces de sa femme de chambre favorite par un cadeau d'une valeur semblable. Ma réputation m'avait si bien devancée à Londres qu'à mon arrivée, une foule de gens des plus distingués s'empressèrent de m'inviter à leur soirée. Nous n'avons aucune idée, dans cet ennuyeux siècle, de la gaieté et de la splendeur de Londres à cette époque. Quelle passion pour le jeu avaient jeunes et vieux, hommes et femmes! Que de milliers de guinées on perdait et gagnait toute une nuit! Quelle beauté il y avait! Quel éclat! Quel entrain! Quelle élégance! Tout le monde était d'une délicieuse scélératesse. Les ducs de Gloucester et de Cumberland donnaient l'exemple, les seigneurs suivaient de près, les enlèvements étaient à la mode. Ah, oh, c'était un agréable temps! Et heureux celui qui avait du feu, de la jeunesse, de l'argent et pouvait y vivre. J'avais tout cela. Et les vieux habitués de White, de Vatier et de Goosetree pourraient conter des histoires de la galanterie, de l'ardeur et du suprême bon temps du capitaine Barry. Le récit détaillé d'une histoire d'amour est ennuyeux pour tous ceux qu'elle ne concerne point, et je laisse un pareil thème aux fades romanciers et aux pensionnaires pour lesquels ils les écrivent. Mon intention n'est nullement de suivre pas à pas les incidents de la mienne, ni de narrer les difficultés que je rencontrais et ma triomphante manière de les surmonter. qu'il me suffise de dire que je l'ai surmonté, ces difficultés. Je sais d'avis, avec feu mon ami, l'ingénieux Monsieur Wilkes, que de tels obstacles ne sont rien pour un homme d'énergie et qu'il peut convertir l'indifférence et la haine en amour s'il a suffisamment de persévérance et d'habileté. À l'époque où expira le veuvage de la comtesse, j'avais trouvé moyen d'être reçu chez elle. Ces femmes parlaient continuellement en ma faveur, exaltaient mon mérite, faisaient valoir ma réputation et vantaient mes succès et ma popularité dans le monde fashionable. Mais les plus utiles auxiliaires que j'eusse dans ma tendre poursuite étaient les nobles parents de la comtesse, qui étaient loin de savoir le service qu'ils me rendaient. Je demande la permission de les remercier de tout mon cœur des noirceurs dont ils me chargeaient alors, et je leur jette à la face mon profond mépris pour les calomnies et la haine dont ils me poursuivirent ensuite. La principale de ces aimables personnes était la marquise de Tiptoff, mère du jeune gentilhomme dont j'avais puni l'audace à Dublin. Cette vieille guenon, dès l'arrivée de la comtesse à Londres, alla chez elle et la favorisa d'un déluge d'invectives pour les encouragements qu'elle m'avait donnés, qui avança plus, je crois, mes affaires que n'aurait fait 6 mois de cours ou une demi-douzaine de rivaux laissés sur le carreau. Ce fut en vain que la pauvre Lady Lyndon allégua sa parfaite innocence et jura qu'elle ne m'avait jamais encouragée. « Jamais encouragée ! » s'écria la vieille furie. « N'avez-vous pas encouragé ce misérable Aspas du vivant même de Sir Charles ? N'avez-vous pas marié une fille qui était dans votre dépendance à un banqueroutier, cousin de ce mauvais sujet ? Quand il est parti pour l'Angleterre, ne l'avez-vous pas suivi comme une folle dès le lendemain ? N'a-t-il pas pris un logement presque à votre porte ? Et vous n'appelez pas cela un encouragement ? Fi, madame, fi ! Vous auriez pu épouser mon fils, mon cher et noble Georges, s'il ne s'était pas retiré devant votre honteuse passion pour ce mendiant parvenu par qui vous l'avez fait assassiner. Et le seul conseil que j'ai à donner à votre seigneurie, c'est de légitimer les nœuds que vous avez contractés avec cet impudent aventurier, de donner un caractère légal à cette liaison qui outrage à la fois la décence et la religion, et d'épargner à votre famille et à votre fils la honte de votre conduite présente. Là-dessus, la vieille furie de marquise sortit, laissant Lady Lyndon en larmes, et j'eus tous les détails de cette conversation par la dame de compagnie de sa seigneurie, et m'en promis les meilleurs résultats. Ainsi, par la sage influence de Milady Tiptoff, les amis naturels et la famille de Lady Lyndon furent éloignés d'elle. Bien plus, lorsque Lady Lyndon alla à la cour, la plus auguste dame du royaume la reçut avec une froideur si marquée que l'infortunée veuve en tomba malade de vexation. Et ainsi, je puis dire que la royauté elle-même devint un des instruments de mon succès et servit les plans du pauvre enfant de l'Irlande. C'est ainsi que le sort se sert d'agents grands et petits et que, par des moyens sur lesquels ils n'ont aucune action, les destinées des hommes et des femmes s'accomplissent. Je considérerai toujours la conduite de Mistress Bridget, la femme de chambre favorite de Lady Lyndon, en cette conjecture comme un chef-d'œuvre d'adresse. Et vraiment, j'eus une telle opinion de ses talents diplomatiques qu'à l'instant même où je devins maître des domaines de Lyndon et où je lui payais la somme promise, je suis homme d'honneur, et plutôt que de ne pas tenir ma parole à cette femme, j'empruntai de l'argent à des juifs à un intérêt exorbitant. Aussitôt, dis-je, que j'eus triomphé, je pris Mistress Bridget par la main et dis « Madame, vous avez montré une fidélité si inouïe à mon service que je suis heureux de vous récompenser conformément à ma promesse. Mais vous avez donné des preuves d'une habileté et d'une dissimulation si extraordinaires que je dois m'abstenir de vous garder plus longtemps dans la maison de Lady Lyndon et je vous prie de la quitter aujourd'hui même. » Ce qu'elle fit, et elle passa à la faction Tiptoff, et m'a toujours déchirée depuis. Mais il faut que je vous raconte ce qu'elle avait fait de si habile. Eh mon Dieu, c'était la chose la plus simple du monde, comme le sont tous les chefs-d'œuvre. Quand Lady Lyndon déplora sa destinée et, comme elle voulait bien l'appeler, ma honteuse conduite envers elle, Mistress Bridget dit « Pourquoi votre seigneurie n'écrit-elle pas un mot à ce jeune gentilhomme pour se plaindre du mal qu'il lui fait ? Appelez-en à ses sentiments. » qui, je l'ai entendu dire, sont vraiment très bons. Toute la ville ne parle que de sa chaleur d'âme et de sa générosité. Et demandez-lui de se désister d'une poursuite qui cause tant de peine à la meilleure des dames. De grâce, milady, écrivez. Je sais votre style si élégant que, pour ma part, j'ai maintes fois fondu en larmes à la lecture de vos charmantes lettres, et je n'ai pas de doute que M. Barry ne sacrifie tout plutôt que de vous faire du chagrin. Et, comme de raison, la soubrette en jura. Le croyez-vous, Bridget ? Dit sa seigneurie. Et ma maîtresse aussitôt m'écrivit une lettre de son style le plus séduisant, le plus irrésistible. « Pourquoi, monsieur, m'écrivait-elle, me poursuivez-vous? Pourquoi m'enlacer dans une intrigue si effroyable que mon courage y succombe, voyant qu'il est impossible d'échapper à votre redoutable, à votre diabolique adresse? On dit que vous êtes généreux pour les autres. Soyez-le aussi pour moi. Je ne connais que trop votre bravoure. Exercez-la sur des hommes qui soient en état d'affronter votre épée et non sur une pauvre et faible femme qui ne saurait vous résister. Rappelez-vous l'amitié que vous professiez jadis pour moi. Et maintenant, je vous en supplie, je vous en conjure, donnez-moi une preuve, démentez les calomnies que vous avez répandues contre moi et réparez, si vous pouvez, et s'il vous reste une étincelle d'honneur, les maux que vous avez causés au cœur brisé de... Honoria Lyndon. Que voulait dire cette lettre, si ce n'est que j'y devais répondre en personne? Mon excellent allié me dit où je rencontrerai Lady Lyndon, et, en conséquence, je la suivis et la trouvai au Panthéon. Je répétai la scène de Dublin, je montrai combien prodigieuse était ma puissance, tout humble que j'étais, et que mon énergie était loin encore de se lasser. Mais, ajoutai-je, je suis aussi grand dans le bien que dans le mal, ami aussi tendre et aussi fidèle que je suis ennemi terrible. Je ferai, dis-je, tout ce que vous me demanderez, excepté lorsque vous m'ordonnerez de ne vous point aimer. C'est au-dessus de mes forces et, tant que mon cœur battra, il faut que je vous suive. C'est ma destinée, c'est la vôtre. Cessez de lutter contre elle et soyez à moi, oh, la plus aimable des femmes. Avec la vie seule peut finir ma passion pour vous. Et, en effet, ce n'est qu'en mourant sur votre ordre que je pourrai vous obéir. Voulez-vous que je meure ? Elle dit en riant, car c'était une femme d'une humeur vive et enjouée, qu'elle ne voulait pas me pousser au suicide. Et je compris dès ce moment qu'elle était à moi. À un an de là, le 15 mai 1773, j'eus l'honneur et le bonheur de conduire à l'hôtel Honoria, comtesse de Lyndon, veuve de feu le très honoré Sir Charles Lyndon, chevalier du Bain. La cérémonie fut célébrée à l'église de Saint-Georges, Hanover Square, par le révérend Samuel Runt, chapelain de sa seigneurie. Un bal et un souper magnifiques furent donnés à notre maison de Berkeley Square, et le lendemain, j'eus un duc, quatre comtes, trois généraux et une foule de gens des plus distingués de Londres à mon lever. Walpole fit une satire sur le mariage et Selwyn en fit des plaisanteries au cacaotier. La vieille Lady Tiptoff, quoiqu'elle l'eût recommandée, fut près de s'en mordre les doigts de dépit. Et quant au jeune Pullingdon, qui était devenu un grand garçon de 14 ans, lorsqu'il fut invité par la comtesse à embrasser son papa, il me montra le poing et dit « Lui, mon père ?» J'aimerais autant appeler papa un des laquais de votre seigneurie. Mais je pouvais rire de la fureur de l'enfant et de la vieille femme, et des plaisanteries des beaux esprits de Saint James. J'envoyai un récit flambant de nos noces à ma mère et à mon oncle, le bon chevalier, et alors, arrivé au comble de la prospérité, et m'étant, à l'âge de 30 ans, par mon propre mérite et mon énergie, élevé à une des plus hautes positions sociales qu'aucun homme pût occuper en Angleterre, je résolus d'en jouir, comme il convenait à un homme de qualité, le reste de mes jours. Après que nous eûmes reçu les félicitations de nos amis de Londres, car à cette époque, les gens n'étaient pas honteux d'être mariés, comme ils le paraissent maintenant, Honoria et moi, elle était toute complaisance et une très belle, vive et agréable compagne. Nous allâmes visiter nos propriétés dans l'ouest de l'Angleterre, où je n'avais jamais encore mis le pied. Nous quittâmes Londres dans trois voitures, chacune à 4 chevaux, et mon oncle aurait été bien aise s'il avait pu voir sur les panneaux la couronne d'Irlande et l'ancien écusson des Barry, à côté de la couronne de la comtesse et du noble signé de la noble famille de Lyndon. Avant de quitter Londres, j'obtins de Sa Majesté la gracieuse permission d'ajouter à mon nom celui de ma charmante lady et pris désormais le nom et titre de Barry Lyndon, comme je l'ai écrit dans cette autobiographie.